Le vendredi 20 mars, le comité des personnes sans statut et Solidarité sans frontières organisait une vigile pour protester contre la levée du moratoire sur les déportations en Haïti et au Zimbabwe levée le 1er décembre 2014. Les membres de ces communautés, qui sont actuellement sans statut, ont jusqu'en juin pour régulariser leur situation. Nous allons entendre Jackie Singh pour Solidarité sans frontières, mais aussi des membres du comité des personnes sans statut. Ces vigiles se tiendront jusqu'à la date des déportations. Bonjour, c'est Antoine Cadeau pour CKUT 90.3 FM. Je suis devant le complexe Guy Favreau avec l'action pour le soutien pour les Haïtiens et Zimbabwéens menacés de déportation. Et je suis avec Jackie Singh qui est ici pour Solidarité Cross Border. Et il va un peu nous parler de cette action aujourd'hui et de ce contexte de possible déportation pour 3000 Haïtiens et Zimbabwéens ici au Canada. Bonjour Antoine. Oui, aujourd'hui c'est une des premières sorties publiques du comité d'action des personnes sans statut. C'est un nouveau comité qui a été créé après la levée de moratoire vers Haïti et Zimbabwe. Moi, je suis un soutien à cet effort comme membre de Personnes illégales et Solidarité sans frontières. Puis, plus ou moins, ce que le monde veut, c'est une solution globale et collective à cet enjeu. Il y a des mesures spéciales qui étaient mises en place qui donnent jusqu'à le 1er juin, seulement 6 mois, pour faire une demande humanitaire. Ce n'est pas si facile. D'abord, une demande humanitaire, c'est très exigeant. Mais pas juste ça. Ça coûte 550 $ par chaque adulte. Et puis, c'est une façon de diviser pour régner, parce qu'on va décider c'est qui les bons immigrants, c'est qui les personnes qui méritent de rester ici, sur des critères qu'on connaît, d'avoir beaucoup d'enfants ou une éducation de deuxième, troisième niveau. Mais c'est clair que beaucoup de monde sont en situation de précarité. C'est pas tout le monde qui va adhérer à ces critères humanitaires. C'est coûteux, c'est arbitraire. Et ce que le monde veut, c'est une régularisation. L'idée d'une régularisation, c'est une campagne qui est publique de Solidarité sans frontières depuis au moins 2002-2003, quand les sans-papiers algériens, qui a fait face à une levée de moratoire en 2002 et qui fait face à des déportations en masse, ils ont scandé comme on scande aujourd'hui, plus que 10 ans après, le cas par cas, on n'en veut pas. On veut une solution globale. On ne veut pas se diviser comme communauté. On ne veut pas décider qui mérite de rester ici ou non. On parle, qu'on garde les faces et qu'on écoute les voix des gens ici aujourd'hui. C'est nos voisins et voisines. C'est des personnes qui travaillent avec nous. C'est des personnes avec des enfants dans nos écoles. Pensez à des personnes qui sont des chauffeurs de taxi. Pensez à des personnes qui lavent les hôtels. Pensez à des personnes que tu vois chaque jour dans les métros, dans les rues de Montréal. Parmi ces personnes, il y a des milliers et milliers de personnes sans papier. Alors, ça, c'est symbolique d'une lutte plus large. Et c'est important que ce n'est pas juste les personnes directement concernées, mais les personnes, les alliés, les personnes nées ici, les personnes qui sont immigrants, etc., montrent leur soutien à la lutte. Solidarité! Québécois, solidarité! Pour une mesure collective et globale! Pour une mesure collective et globale! Pour une mesure collective et globale! Que voulons-nous? Restez ici! Que voulons-nous? Restez ici! Que voulons-nous? Restez ici! Que voulons-nous? Restez ici! Que voulons-nous? Restez ici! Restez ici! En ce qui concerne le ministre, je peux vous dire que c'est la langue de bois. Je crois que vous comprenez, la langue de bois, il n'a rien dit d'intéressant, qui pourrait nous permettre de croire que notre revendication principale, c'est-à-dire une mesure collective et globale pour tous nos sans-papiers, sera adoptée le plus tôt possible. Tout ce qu'il a dit, c'est ceci. Au lieu de venir, parce que un des animateurs, il était en ouvert, lui a dit, pendant que vous êtes en train de nous accorder cette entrevue, il y a beaucoup de sans-papiers et des supporters de sans-papiers qui sont en train de manifester aux abords du complexe Guy Favreau. Alors voici ce qu'il a dit. Au lieu de venir manifester ici, on serait mieux d'aider les gens qui n'ont pas de papier à remplir leur formulaire. Voici ce qu'il a dit. Un ensuite, il a laissé entrevoir la possibilité, mais très mince, que les personnes qui sont ici depuis 5 ans, qui travaillent, etc., c'est comme si vous, on dirait que la chance est beaucoup plus grande pour ces gens-là. Donc déjà, on voit qu'il va y avoir de la discrimination parmi ces gens-là. Il y a des gens qui vont être sélectionnés parce qu'ils sont un petit peu, plus longtemps que d'autres. En ce qui concerne les certificats de sélection délivrés par Québec, ça c'est grave, ça. C'est très grave à mon avis. Même que le Québec délivre un certificat de sélection à un sans-papier, il n'y a rien qui dit que automatiquement cette personne-là va être acceptée par le fédéral. Les tabacas, les tabacas, les tabacas, les tabacas, les tabacas, les tabacas. Expliquer certaines choses. Mais d'abord, pourquoi ici? Et c'est pas la première fois que Solidarité sans frontières, le groupe avec lequel je milite, sont ici. Comme vous savez très bien, c'est ici où les demandes de réfugiés ont commencé. C'est ici où il y a ça des audiences. C'est ici que chaque jour qu'il y a des gens qui traitaient d'une façon pas dignifiée, pas avec respect. Alors, ça c'est le symbole qui représente le gouvernement du Canada. C'est important qu'on se calme, c'est important qu'on parle, parce que même si on ne voit pas le monde dans le bureau, ils sont au courant de notre présence. Ils savent que nous sommes ici. Ça fait une différence. Aujourd'hui, on est cinquantaine. Prochaine fois, centaine, 200. Il faut qu'on augmente les nombres. Ça fait une différence. Le ministère d'immigration, Chris Alexander, était dans la ville aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui a posé des questions très critiques envers de lui sur ses pas. Le ministère d'immigration du Québec a contacté Radio-Canada aujourd'hui. Elle veut expliquer sa position. Ça, c'est la région de Radio-Canada qui est ici aujourd'hui. Alors encore, notre mobilisation, le fait que les personnes directement concernées parlent, ça peut faire une différence. J'ai mentionné au début qu'il y a une histoire ici. Il y a beaucoup d'autres communautés qui ont mobilisé ici. En 2002, les sans-papiers algériens, presque 1000, étaient menacés de déportation. Moi, j'ai rencontré ces gens parce qu'à 10-10-Saint-Antoine, puis ici, au complexe Guy Favreau, ils ont commencé le manif, comme vous, comme les mêmes nombres comme vous. Puis moi, j'ai juste passé par hasard, mes amis ont passé par hasard, on a dit, qu'est-ce qui se passe? Et avec ça, la lutte a commencé. À l'époque, c'est un peu différent avec vous maintenant, parce que comme vous savez, le moratoire est levé le 1er décembre et vous avez jusqu'à le 1er juin pour faire des applications. On rejette le cas par cas, mais ça c'est la procédure au moment. À l'époque, en 2002, les sans-papiers algériens étaient menacés de déportation tout de suite. Le moment de lever le moratoire, ils ont donné des avis aux gens pour être déportés. Mais c'est à cause de leur lutte qu'aujourd'hui, avec vous, on peut au moins avoir 6 mois. Mais ce n'est pas juste les Algériens qui étaient ici. Moi, je viens, mais pas moi directement, mais mes parents sont des immigrants de l'Inde. Mais ma mère et mon père sont venus ici avec le même rêve que vous, pour vos enfants, pour vos fils et vos filles. Et mes compatriotes sans papier, ils étaient ici en 2004, il y a 10 ans, en décembre. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour de printemps. Ils ne sont pas le printemps encore, mais ça vient. Mais en décembre, les réfugiés de l'Inde ont fait un campement ici, juste ici où je pointe. Ils ont fait un campement de 5 jours pour dénoncer la commission d'immigration statut de réfugié, pour dénoncer leur discrimination, pour dénoncer l'arbitraire dans le système. Ils ont scandé la même chose mais en anglais. Ils ont dit le CAPACA n'en veut pas. Ils ont même brûlé les papiers, les dossiers, parce qu'ils ont dit, ils n'ont même écouté pas notre dossier. Alors, en 2004, le monde a fait ça. Je peux donner plusieurs autres exemples. On est ici, il y a un an, quand Yvonne Hernandez, une mère ici de Mexique, elle a eu une audience pour détention. Elle était menacée de déportation. Mais à cause d'une lutte, surtout une lutte menée par des femmes, une lutte menée par les groupes féministes, Yvonne a réussi à rester. Alors, regarde, on va être ici chaque vendredi. Peut-être il y a du monde qui avait apporté de bouffe, des chocolats chauds. On veut créer un espace ici chaque vendredi pour qu'on mobilise. J'ai donné à William des tracts. ces tracts, c'est pas le tract comme ça qu'on donne au monde, le public, et comme vous voyez, il y a beaucoup de monde curieux. Imagine la curiosité qu'on commence à être 500 000 personnes ici, parmi le public. Et le public est sympathique. Il y a certaines racistes toujours, oui, mais ici à Montréal, il y a un grand public sympathique, ils sont prêts à appuyer la lutte s'ils savent qu'est-ce qui se passe. Mais on a un autre tract pour encourager les autres gens à venir. Je sais qu'il y a eu beaucoup de peur. Beaucoup de peur de même manifester comme on fait aujourd'hui. Je sais que ça existe. Mais la première étape dans n'importe quelle lutte, c'est de briser la peur et briser l'isolement. L'isolement est brisé. Nous sommes ici, on se voit, on se parle. Mais aussi la peur. Donc, on fait une manifestation, aucun problème. Aucun problème si on reste familial, si on reste dans l'esprit qu'on a. Avec les immigrants. Pour finir, écoutons Olivier Louis du Comité des personnes sans statut. Aujourd'hui, c'est notre première journée de mobilisation et c'était prévu d'ailleurs. Donc, on est là, comme vous l'avez dit, on est présent et puis on est là pour poser un geste concret, pour envoyer aussi un message concret au gouvernement. Parce que, comme vous le savez, on a levé le moratoire depuis le 1er décembre 2014. Donc il y a 3500 Haïtiens qui sont passibles de déportation. Ce qu'on veut réellement, ce n'est pas la levée comme telle du moratoire. Okay? Ce qu'on conteste, c'est la procédure administrative, c'est la façon que c'est fait. Parce que le gouvernement prône le cas par cas. On a déjà vu que ça a mené déjà à des déportations. Ils l'ont dit, d'ailleurs le ministre en a parlé aujourd'hui. Donc nous autres, on veut une mesure collective pour toutes les personnes qui sont concernées. Vous savez que pour une demande humanitaire, il y a à peu près un pourcentage de 20% que les gens ils vont agréer à leur demande. C'est pour ça qu'on conteste et cette mesure-là, cette façon de faire.